Bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Mélanie, coucou à tous. Alors aujourd'hui on ne vous sort pas un épisode ordinaire, en fait on vous sort juste une petite annonce pour vous expliquer un petit peu le planning de cet été, parce qu'en fait comme tous les ans au mois de juillet et au mois d'août, on ralentit un petit peu la cadence parce qu'on a envie de prendre nos petites vacances aussi, et en fait ça va être un petit peu différent des autres années. Vous n'aurez qu'un seul épisode au mois de juillet et qu'un seul épisode au mois d'août, et vu qu'on est quand même super sympa, on s'est dit qu'on allait vous dire un petit peu ce qui vous attend. Bah oui, tout à fait. Alors, je crois que c'est déjà arrivé qu'on vous laisse avec moins d'épisodes, oui. Voire même quasiment un seul par mois d'été. Voilà, c'est effectivement, on ralentit. Et puis, vous le savez, si vous nous suivez depuis maintenant quelques temps, l'été, c'est aussi le moment où on se replonge dans la lecture, et notamment sur des lectures autour de l'Inde. Donc, on vous invite à aller écouter nos anciens épisodes, où on parle tout un tas de choses. Hein. Mais dans le livre, il y a de tout. Il y a de la BD, il y a de la biographie, il y a du thriller, etc., etc. Donc, on ralentit la cadence, et voilà, effectivement, il n'y aura qu'un épisode en juillet et un épisode en août. Et effectivement, on va vous teaser un petit peu. Alors, pour juillet, Mélanie, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce film ? Alors, j'ai envie de dire, on va parler de place des femmes. Voilà. Des BTP aussi, parce qu'il y aura beaucoup de construction. Alors, on va parler d'argent, de baston, de baston, beaucoup de baston. Et beaucoup d'argent aussi, beaucoup d'argent. Voilà, de syndrome de Stockholm, de complexe d'Oedipe. Oui, éventuellement, effectivement. Et puis de musique. Ah là là, la musique. Bien sûr, la musique a toujours sa place dans ce podcast. Et alors, serait-ce l'heure de la révélation ? Eh bien oui, attention, roulement de tambour. KJF. Et oui, ça y est, on va enfin attaquer cette duologie de films Canada pour votre plus grand plaisir, parce que vous nous l'avez demandé et on s'est dit qu'il était enfin temps de s'y mettre. Oui, on avait déjà dit qu'un jour oui. KJF allait apparaître, parce qu'on en avait parlé dans d'autres épisodes. Donc voilà, ça y est, pour juillet, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé, c'est à la sauce baston, blockbuster et masculinité. C'est non, donc le chapitre 1 et le chapitre 2 de la duologie KJF. Et ça sortira le 15 juillet. Alors c'est un lundi, donc faites attention, hein, ce ne sera pas un samedi, ce sera le lundi 15 juillet. Exactement. Bon, et alors, pour le mois d'août, est-ce qu'on change pas un petit peu d'ambiance ? Oh, un petit peu, mais bon, il y aura quand même de l'argent en jeu, des gens exploités. Des gens qui jouent mal. des gens qui jouent très très mal. je pense que, voilà, vous l'avez compris. Oh, cet été, on va être taquine. On va être un petit peu méchante. Mais ouais, mais c'est les vacances, on se détend, voilà. Voilà, on se lâche, c'est normal. Alors peut-être que vous l'avez vu venir ou pas, hein, mais cet épisode, ce sera, attention, roulement de tambour. Iramandi. Et ouais, le 15 août, le jeudi 15 août, on s'attaquera à la série de Sanjay Leela Bhansali. Alors, top ou flop ? Est-ce que c'est digne de ses anciennes œuvres ? Est-ce que c'est encore du copier-coller qui nous exaspère ? Eh bien, réponse, le 15 août. Oui, bon, je crois que vous savez déjà à quelle sauce tout cela va être mangé, mais on a un petit peu envie de connaître les détails, n'est-ce pas ? Vous avez un petit peu envie d'entendre quand même nos anecdotes, parce que vous en doutez, comme d'habitude, on va chercher un petit peu sur tout ça, donc vous aurez des petites anecdotes, voilà, des petites histoires autour des tournages, etc. Et puis, évidemment, un petit peu de râlerie de notre part, parce que c'est ça qu'on aime. Tout à fait. Donc voilà, ce sera le petit programme. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Julie, on vous fera part également de notre retour sur nos lectures indiennes. Eh bien, l'épisode sur les lectures indiennes sortira quant à lui le samedi 31 août. Et ensuite, on reprendra voilà, notre petit rythme normal, à savoir un épisode qui sortira toutes les deux semaines. Et il me semble que d'ailleurs, pour la mi-septembre, on a prévu un épisode un petit peu spécial, n'est-ce pas, Julie ? Oui, bah si vous avez l'habitude de nous suivre et que vous regardez un petit peu les numéros des épisodes, vous avez dû voir qu'on approchait lentement mais sûrement du 150e. Oui, on arrive à 150 épisodes et autant et même plus de films et de séries, puisque certains épisodes font... Bah, on discute de plusieurs séries ou de plusieurs films en même temps. Donc... Vous le savez, chaque fois qu'on arrive à ce chiffre rond, c'est le moment de revenir sur les 50 derniers films que l'on a traités pour les fameux Bollywood versus Awards. C'est le moment, finalement, si à un moment donné vous êtes noyé dans nos épisodes et que vous ne savez plus trop ce qui mérite d'être regardé ou pas comme film ou série, eh bien ces épisodes-là servent à ça, puisqu'on revient du coup sur les 50 derniers que l'on a vus, enfin sur les 50 derniers épisodes et autant quasiment de films et séries qu'on a traités, et on dit quels ont été les meilleurs et les pires, les meilleures performances d'acteurs et d'actrices, les meilleures musiques, etc. etc. C'est vraiment nos petits Oscars à nous, Tout à en fait. toute subjectivité, et donc c'est un petit peu le moment d'aller piocher et de vous dire: ah ok, elles ont l'air d'avoir aimé ce film-là, donc je vais le tenter. Ou à l'inverse, on détruit un film, mais ça a l'air tellement drôle de s'en moquer que vous dites: allez, je tente celui-là. Voilà. Et c'est le moment de nous dire: ouh là là, mais ça remonte, dis donc, la dernière fois qu'on a parlé de ce film. Exactement, exactement. Mais surtout, je suis en train de tilter un truc, c'est-à-dire que dans les BV Awards, on pourra revenir aussi sur Animal, hein, je ne spoil pas, mais je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire, hein, par exemple dans les pires films. Mais peut-être du coup sera-t-il grand vainqueur, peut-être va-t-il repartir avec tous les trophées des pires. Pire acteur, pire actrice, pire musique, pire mise en Pire scène, tout, pire pire tout. Oui, c'est fort pire probable. réalisateur. Voilà, et puis après, évidemment, on repartira de façon très classique avec les chroniques de divers films sortis plus ou moins récemment. Ça dépend tout à fait de nos envies, de nos plannings, tout ça, tout ça. Et sinon, petit micro-indice, on va dire, dans nos lectures de cet été, alors pour savoir de quelle lecture on va parler, si vous voulez le savoir avant l'épisode de fin août, vous pourrez nous suivre sur les réseaux, hein, comme d'habitude, on va poster tout ça, on vous montrera ce qui est dans nos piles à lire pour cet été, et si vous regardez bien, il se pourrait que dedans se cache un futur film qui sera chroniqué. Tout à fait, mais on ne vous en dit pas plus pour le moment. Évidemment. Eh bien écoutez, voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour le programme de cet été. On espère qu'il vous plaît bien, que vous serez au rendez-vous à la sortie de nos deux épisodes, du coup, le 15 juillet et le 15 août. Et que bah, sinon, on se retrouvera, nous, à la rentrée. Bon, on sera toujours un petit peu actif sur les réseaux, pas de panique. On répondra, comme d'habitude, à vos petits messages parce qu'on adore ça. Et puis sinon... Que ce soit maintenant ou plus tard, on vous souhaite de très bonnes vacances. Tout à fait, reposez-vous bien, regardez des films indiens, détendez-vous. Et voilà, merci encore de nous suivre. Et puis on espère que ce petit programme vous plaira. Bye! Bye! तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।